Il y a combien de distances de kilomètres entre les deux? Pas grand chose. Ah si, quand même, si. Quand même. Ouais, j'ai... 400, 500 bornes. 400, 500 bornes. Gérard, quoi, t'es qu'est-ce le PD? T'as même pas de couilles au cul pour venir à Chambéry. Bon, attends, mais moi, je me déplace pas dans une ville de PD comme toi. Y'a rien que je crois l'eau. Je peux dire, Gérard, dans tes débats, t'es nul. Oula, là, ça fait mal, ça. Ah, puis c'est, oh, t'as vu, là, ça tape, là, hein, c'est violent, c'est un coup bas, là, ça, c'est un coup bas, ça. C'est un coup bas, effectivement. C'est poli, quand même, comme discours. On va juger. Il a flippé, enfin, quand le Gérard. Je crois qu'il a flippé. On va essayer de le rappeler, mais je crois qu'il a flippé. On pourrait faire un combat, et puis donner, on va dire qu'il marque un point. Ouais. Ah, on va faire ça. Il marque un point, t'as vu? D'accord, ok. Alors, on va voir ça tout de suite avec Franck, qui va donc être l'arbitre de ce match. Alors, attention. Petit Maxime contre Gérard. Il est là? Gérard. Maxime, tu t'assois dans ton Gérard. Ouais. Et Maxime, on va faire un match et on va voir qui est le plus. Alors chacun votre tour, vous balancez un truc dans la gueule, d'accord? Attention, c'est moi qui donnera le top, Gérard. Attention. Vous êtes prêts? Vas-y. C'est parti. T'es une grosse merde, Gérard. Toi t'es un PD, t'es né dans tes débats, tu vois rien, tout un trou de. Attends. N'exagère pas sur ton temps de parole. Ouais, ouais. C'est à Gérard là. Eh bien, le trablot de Chambéry, ça va? Et toi, ça va, petit branleur, Cindy, elle veut rien au cul. Mais Sandy, à ton merde, elle te fout dans la gueule. Ah, mal. Et toi, Cindy, je peux te dire, tu n'as même pas Cindy, ta cul, elle fait 1m60. Elle ne sait pas combien qu'on fait, PD. Et toi, t'as un petit puceau, toi, t'as jamais tiré de ta vie, t'as jamais baisé. Et toi, tu dois avoir un cul d'hippopotame. Pas mal. Et toi, tu vas avoir un gros cul d'hippopotame, t'as rien dans le. Non, pas, j'y mets. Il reste 15 secondes. Attends, là, il y a un avantage. Il reste 15 secondes, après, on va juger. Vas-y, 15 secondes, 8, 10 secondes. Gérard, tu vois rien. Non, mais arrête de dire n'importe quoi, t'as été un branleur, Chacun votre tour. Tu sais pas parler de cul, alors arrête. Et toi, tu sais pas parler de cul. Top, chacun dans votre coin. Pour l'instant, à qui on attribue le premier point? Alors, il y a eu deux fois redite chez Maxime. Ouais. Deux fois redite. Gérard a un petit peu baissé la garde sur la fin de course. Ouais. Au début, il était très fort sur l'hippopotame, le truc, tout ça, c'était très fort. Donc, pour l'instant. Moi, je dirais 0-0 pour l'instant. Pas que nul, hein, pour le moment. Oh putain, c'est le bordel ce Attention, soir. Ça je joue en trois rings. Attention, vous êtes prêts? On va re-rentrer dans le ring des insultes. Chacun votre tour, on rappelle, parce que ça aussi c'est la règle du jeu. Attention, une minute de ring supplémentaire d'insultes. C'est parti. Gérard, je peux te dire, tu dois t'entraîner de Cindy tous les soirs. Elle a rien dans le slip, elle a rien dans la choune. Bah arrête, toi t'as une tête de crocodile. Et toi t'as rien. Je peux te dire, t'as même pas de cul. Ta cul, c'est un besoin. Non, mais t'as déjà besoin d'un crocodile ou un cheval? Et toi, t'as déjà baisé un cheval ou une pute? Bah attends, mais moi, j'ai baisé n'importe qui. Moi, puis Sandy, je l'aime et je la baise, et puis c'est tout. De toute façon, baiser, t'auras jamais de gosse avec elle. Peut dire que tu dois te péder comme un phoque. Oh, bah, et toi, tu t'es regardé, on dirait un espèce de raton laveur, de raton laveur. Toi, t'es un vieux enculé, toi, t'as rien dans le style, toi, t'as... Mais le travelot, là, tu fermes un peu ta grande gueule, maintenant, hein. Je peux te dire, t'as une grosse gueule, t'as même pas la pêche, tout, t'es fatigué, t'es mort. Oh, mais arrête, t'es petit pédé, là. Dans tes débats, t'es nul, raccrochement au nez, t'es même pas chiste, t'as que de la gueule. Bah attends, mais de toute manière, j'ai que de la gueule, moi, je t'emmerde, les connards. Toi, t'as un petit pecno. Bah attends, mais toi, t'as quoi, t'as un vermicelle de contrebande dans ta culotte. Et toi t'as vermicelle et toi t'as des vers de terre d'autres tu dois pas. Top là, onde. Alors là, oh là, là, là, là. Alors là, au début j'étais un petit peu frileux sur Gérard, mm-hmm. Avec les insultes d'animaux. Ouais. Crocodile. Il y aura ton laveur. Ouais. Il a failli avoir rhinocéros. T'as failli la balancer. Tu l'as retenu. C'est un petit coup de chasseur, quoi. Et en revanche sur les bon, il nous a reparlé de taille encore. Je suis un peu emmerdé avec les tailles de Maxime. Ouais, c'est vrai que Maxime t'as encore dit ouais t'as une bite d'un mètre. Ça t'invite. Maxime a pris sur la moitié de la manche. Il avait le dessus. Hein. Eh oui, c'est. Non, attends, j'ai pas fini, Maxime. Mais oui. Quand Gérard est revenu en te traitant de petit PD et tout ça, là je crois que c'est lui qui a repris le truc. Et là, t'as essayé d'imiter le vermicelle dans la culotte, c'était très fort. Donc on peut dire, je vais te mettre un point à Gérard là. Léger avantage pour Gérard, 1-0 pour Gérard, attention, dernière ronde. Il va falloir que tu mettes le paquet, DJ Maxime. Mais attention, Gérard, accroche-toi. Pour l'instant, tu mènes 1-0, c'est le dernier round d'insultes. Amical, bien sûr, et familial. Attention, il vous reste une minute à partir du cling. C'est parti. Gérard, j'accepte pas que toi, tu insultes. Aussi, tu envoies chez les gens, ils te aiment pas, les éditeurs, parce que t'es un gros sac. Toi, t'as une bite de chien, de berger allemand. Et toi, je peux dire dans tes bras, les gens aussi, ta figure, tu les raccroches au nez, toi, t'as rien dans le slip, t'as un gros mal. Ce que je fais, je joue au golf. Et toi, moi, avec ta queue, je la joue où? Je la joue au tennis. Non. Ah, moi, je mets ça sur un bourrin, il arrive même pas, il est même pas capable de se faire baiser, ton bourrin. je peux te dire, je te prends tout, je te balance partout. Ah, bah attends, moi je te mets sur un cerf et puis je te fais baiser par le cerf. Si je te vois, je t'écrase avec ta voiture. Ah non. Oh, non, bah attends, je vais te dire une chose, c'est moi qui vais t'écraser, puis je t'écrase comme un merdeux. Si je vois Sandy, je vais me la faire trop, je vais toucher les tétons. Ouais, bah tu touches à Sandy, moi je te passe dessus. Et moi je vais t'enculer dans tous les trous. Ah non, non, non, non. Alors là, je vais te dire une chose, mon pote, avant de m'attraper, bah, t'as intérêt de courir vite, hein. Attention, interdit d'employer le mot courir. Interdit. Ah ouais, là, alors bon, déjà, préciser quand même, Franck, il y a eu quand même quelques coups très très violents au niveau des insultes, et ça c'est inacceptable. Parti sur les insultes d'animaux. Sachant qu'en plus c'était bien sûr que du deuxième degré, hein, donc vous êtes allé un petit peu loin, vous étiez vraiment rentré dans le jeu. Hein. En tout cas, je pense que c'était un moins beau troisième ring qu'il y a eu un premier et un deuxième. C'était la fin de partie. Hein. Est-ce qu'on donne un avantage quand même léger à DJ Maxime quand même sur ce troisième round? Égalité. Je suis pas sûr, il a employé enculé par tous les trous. Parce que je vois rien, Gérard, il a une grosse gueule. Ah, attendez, on a pas encore rentré sur le ring, s'il vous plaît. Sinon, la Fédération française d'insultes, ouais. Enculé par tous les trous, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette prise-là. Non, c'est interdit, ça. Maintenant, baiser sur un cerf. Ça, c'est perso. Ou jouer à la bite avec. Je vais jouer au golf avec ta bite. Au golf avec ta bite. Là, Gérard a marqué des points dans. Il a tapé très très fort. Là. Donc, on va jamais Gérard encore. Encore Gérard. Donc, c'est Gérard qui l'emporte aujourd'hui pour le jeu de l'insulte 2-0 face à DJ Maxime. Maxime, désolé. C'est pas grave, de toute façon, je veux plus parler à Gérard, il a une grosse gueule. Alors, le match est terminé, on va pas faire des bagarres. C'est bon, maintenant, embrassez-vous et faites-vous des petits bisous et des mots sympathiques. Non, non, mais il va se faire foutre, moi, je suis bon, pas... Bon, bah, pardon, c'est pareil. Gérard, je te dirai un truc. Pourquoi tu m'acceptes pas dans les débats? Pour moi, mais de manière que tu sais même pas ce que c'est un débat, Ça serait bien qu'on les sépare, voilà. Alors voilà, ce qui est beaucoup mieux, on les a séparés. On a la pêche, je veux tout le voir. Exactement. Donc, on remercie Gérard, qu'on retrouvera très prochainement pour des débats. Prochain débat, c'est sur la délinquance. La délinquance. Les nourrices, pardon. Oh là là, c'est quand, ça? C'est dans 2 semaines, c'est ça, Gérard? C'est dans 2 semaines, c'est pas... C'est pas cette semaine, c'est la... C'est dans la semaine prochaine, c'est dans les 4 jeudis. C'est pas jeudi qui vient là, mais c'est jeudi prochain. C'est le 14. D'accord, Gérard, je t'embrasse et t'embrasse Sandy. Ok, ça roule. Tiens, bisous. Ciao. Alors lui qui a besoin de dormir 12 heures et demain il va travailler à 8 heures pour aller mettre des yaourts, il va être défoncé le gamin. Hein.